Comment s'est passé avec Jeanne? Bah, je lui ai fait comprendre qu'on allait commettre une erreur, et puis voilà. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Rien. Elle est partie sans rien dire. T'es triste? Non. Non, soulagé. Ça aurait été trop bête. C'est que tu vieillis bien, toi? Bah, peut-être. Ouais, toi, alors? Quoi? Bah, je sais pas, moi. T'en es où? Ouais, tu sais, hein, je vis au jour le jour. J'évite de me poser trop de questions. T'as des questions, moi. Ouais. Allez, Linda, hein? T'as vu, t'arrêtes pas de la regarder. Ouais. Elle est jolie. Bah, ouais, en plus, vous seriez bien ensemble. Ouais, et en plus, t'as pas changé, toi. Jeanne?